ni Bell, ni Vigila. Albert Ndouaï assure la mise en onde. Merci de garder l'écoute de nos programmes. Il est à présent le moment du journal en langue française, dont voici tout d'abord les principales articulations. Manifestation ce samedi en mairie de Bujumbura contre les assassins du président Melchior Ndadaye et Moussa Faki, président de la Commission de l'Union africaine. Pour ses propos à ce dossier, vous aurez le reportage de notre reporter Bettina Boutoui. Et le syndicat Stub accuse ses collègues de Spatub de vouloir spolier les arriérés à ce syndicat, contrairement à la décision du tribunal de travail. Vous entendrez le secrétaire exécutif de ce syndicat Stub et justement la réaction du syndicat Spatub tout à l'heure. Et il y a également des coups de feu qui ont été rapportés. C'était dans la ville de Kilemba, au quartier Kilemba, en province Bururi. Vous l'entendrez également. Vous aurez droit à la chronique art et culture. Aujourd'hui, on va vous parler des instruments musicaux avant ou à cordes qui se basent sur les notes musicaux pour produire des sons. Voilà pour les grands titres. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Rebonjour, je vous le disais tout à l'heure, page de sécurité pour ouvrir cette édition. Des coups de feu ont été entendus vers minuit de la nuit dernière dans le quartier Kilemba, commune et province Bururi. Noël Nkurunziza, chef de quartier, indique que les informations à sa disposition font état d'une attaque armée contre un ménage de ce quartier par des gens non encore identifiés. Une attaque repoussée par une intervention rapide des policiers positionnés à Kilemba sans faire de dégâts. Et le chef du ménage attaqué s'est gardé de toute réaction sur cette attaque. Et la famille d'un vieux de 62 ans tué la semaine passée à Gitanga dans la commune et province de Bobanza dit qu'elle vit dans une peur panique suite à sa libération ce vendredi des présumés auteurs de son meurtre et que certains d'entre eux continuent à proférer des menaces à la famille éprouvée. Le procureur de la République à Bobanza explique que ces présumés malfaiteurs ont été libérés au niveau de la police et que leur dossier ne lui était pas encore parvenu. Richard Ndaïsawa précise que les enquêtes continuent et que ceux qui sont menacés saisissent la justice. On reviendra sur cet élément dans nos éditions ultérieures. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Le syndicat des travailleurs de l'Université du Burundi, STUB, en sigle, dénonce l'intention de leurs collègues du syndicat SPATUB de spolier les fonds des arriérés leur attribués par la sentence arbitrale. Authentique Nishimwe, secrétaire exécutif du syndicat STUB, regrette que les dossiers des deux syndicats n'avancent pas au même rythme dans l'exécution du jugement rendu. Il souhaite que la justice soit faite équitablement suivie. Nous sommes en train de dénoncer une division qui est en train d'être tenue au niveau de l'université entre les travailleurs dans deux syndicats. Les responsables du syndicat SPATIB cherchent à marginaliser les autres travailleurs, soit disant qu'ils auraient gagné un procès. Ce procès découle de la sentence arbitraire que le STUB a gagné depuis 2003. La position du STUB, on demande que la régulation de la sentence arbitraire soit faite pour tous les travailleurs de l'Université du Burundi sans distinction aucune, comme par ailleurs même le président du tribunal du travail l'a signifié au ministre des Finances. La sentence arbitraire avait pour objet de corriger les différentes distorsions qui étaient entre les différents personnels de l'Université du Burundi. Par exemple, en 2003, on avait augmenté 70% pour les salaires des enseignants, 30% pour les salaires des assistants plutôt. Et après avoir pris la sentence arbitraire, les personnels administratifs se sont vus octroyer 25%. La sentence aussi a demandé de corriger toutes les différentes distorsions existantes et c'est à partir de cette correction de distorsions qui s'est terminée en 2011 qu'on a donné la première partie concernant la sentence arbitraire. Mais la sentence arbitraire a été bien calculée pour les personnels enseignants. Pour les autres, la sentence était mal calculée. Au lieu où les calculs dans notre syndicat se trouveraient au cabinet du ministère des Finances, deux informations qui nous parvienne, c'est que le ministre aurait signé pour le CER syndicat alors qu'il y a une autre demande concernant plus de 600 personnes qui en attendent. L'urgence que le ministre de l'enseignement supérieur et le ministre des Finances, ce qui est la direction de l'université, puissent comprendre les doléances des tubes et acheminer la liste des tubes. À ce sujet, le syndicat Spatub rejette ces accusations selon Anselme Bonimigabo, qui est président du syndicat Spatub. Il qualifie ces accusations de grossières. Moi, je signale que de l'autre côté, l'élément n'est pas encore prêt. On va revenir sur cet élément avant à la fin de cette édition. En page agriculture, le gouverneur de la province Ngozi demande aux responsables du Prodéfi plus d'efforts dans la culture de la banane pour augmenter sensiblement la production comme ils l'ont fait pour le maïs et l'élevage bovin et autres. Albert Douimana le dit en ce moment où une usine de transformation de cette culture en biscuits et autres produits est en cours de construction en commune Busiga de cette province. Apollinaire Muzaga, la correspondance. Albert Nduimana, gouverneur de la province Ngozi, salue les réalisations du Prodéfi dans la lutte contre l'insécurité alimentaire et la pauvreté dans cette province. Il donne l'exemple de la culture du riz qui actuellement donne de beaux rendements en quantité et qualité. Quant au maïs, le prix a chuté de 800 francs l'an passé jusqu'à 400 francs le kilo de graines de maïs. Objectif selon le Prodéfi, aller jusqu'à 250 voire 200 francs le kilo vu les superficies maraîchères plantées actuellement. Il salue aussi le meilleur rendement en ce qui est de la production laitière, même si le marché d'écoulement fait défaut actuellement dans cette province. Albert Nduimana affirme que ces réalisations ont permis d'endiguer la famine qui auparavant sévissait dans cette province. Il invite à cet effet les responsables du Prodéfi à mettre plus d'efforts dans la culture de bananes afin d'avoir les mêmes effets que ceux vus chez le maïs et le riz. Le gouverneur Ngozi a indiqué que cela permettra à l'usine de transformation de la banane en construction à Rukechua en commune et Busiga d'être alimentée régulièrement. Cette unité transformera la banane en farine, biscuits et autres. Le coordinateur régional du Prodéfi promet une réponse favorable à la demande du gouverneur dès l'année prochaine. Ngozi, Apone Muzagara, Radio Sanganil. Merci Apollinaire Kitongodi. Pour revenir à Bujumbura et parlons droits de l'homme, l'organisation NLCT Où est ton frère salue le jugement rendu ce vendredi à l'endroit de Prime Nduimana, un officier de la police qui a récemment tué sa femme dans un communiqué de presse sorti ce samedi. Maître Prime Mbarubukei, représentant légal de cette organisation, demande que ce jugement soit mis en application dans son intégralité. Suivez-le. L'Observatoire national pour la lutte contre la criminalité transnationale ONLCT Où est ton frère voudrait d'abord saisir cette heureuse occasion pour condamner avec toute sa dernière énergie cet acte ignoble perpétré par cet homme sans foi ni loi et salue en même temps le jugement rendu par voie de flagrance par la Cour d'appel de Bujumbura en date du 7 décembre 2018. Néanmoins, en ces 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre, l'ONLCT Où est ton frère demande ce qui suit au gouvernement de la République du Burundi de continuer l'œuvre combien louable de déjà commencé de sensibilisation et de vulgarisation de la loi numéro 1/13 du 22 septembre 2016 portant prévention, protection des victimes et répression des violences basées sur le genre afin de parvenir à éliminer les pratiques coutumières ou tout autre type fondé sur l'idée d'infériorité ou de supériorité de l'un ou de l'autre sexe ou dans un rôle stéréotypé de l'homme ou de la femme, comme cela est prévu et organisé par l'article 5 de la dite loi, car d'autres pratiques ne font que déshumaniser la personne humaine. Secondo, de veiller à ce que d'autres condamnations soient appliquées dans leur intégralité, étant donné que, sans risque de nous tromper, l'histoire judiciaire a parfois démontré que pareils prévenus sont libérés quelques temps après un temps de latence, ce qui favorise l'impunité et le traumatisme dans le chef des victimes causé par la peur des représailles et qui met ainsi en danger les victimes ou les survivants. Troisièmement, de mettre en place un fonds national pour l'indemnisation des victimes, car ce n'est pas toujours évident que tout prévenu ou auteur du crime est capable d'indemniser la victime ou sa famille, surtout que la majorité des prévenus sont souvent insolvables. Aux femmes et aux filles, victimes potentielles des violences basées sur le genre, d'esquiver discrètement chaque fois que de besoin, et cela le plus rapidement possible, devant des agressions du conjoint de nature à entraîner des violences prévues par la loi irrelative, surtout que, comme le disent les Romains, « salus in fuga », ce qui veut dire que le salut est dans la fuite, afin d'éviter la confrontation pouvant réveiller les vieux démons de l'autre conjoint en Corée et ainsi de revenir au foyer quelques instants plus tard, mais cette fois-ci accompagné par les voisins. Aux voisins, justement, aux administratifs locaux, au comité mixte de sécurité, au comité coordonné de protection de l'enfant et au CDFC, d'organiser en synergie des séances de causerie morale et de sensibilisation à l'endroit des couples, à une cohabitation pacifique dans les familles, afin que les enfants issus du mariage ne soient pas victimes de l'inconduite ou du mauvais comportement de leurs parents, et d'intervenir aussitôt après avoir été informé qu'un danger imminent guette l'un des parents pour prendre toutes les dispositions nécessaires dans le but de le secourir ou de le protéger contre la continuation de l'acte. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. À 13h09 minutes, revenons sur l'élément de, en rapport avec le syndicat. Le syndicat SPATUB rejette les accusations du syndicat STUB qu'il qualifie de grossières. Selon Anselme Hatungimigawa, président du syndicat SPATUB, les membres du syndicat STUB ne font pas partie de ceux qui devraient bénéficier sur la récente enveloppe d'arriéré. Il les appelle à suivre la voie juridique. On l'écoute. Cette enveloppe n'a pas été donnée en 2010 à certains travailleurs. Ces travailleurs ont emprunté la voie judiciaire. Maintenant, la voie judiciaire a tranché. Et c'est ce président, cet ancien président du STUB, n'a pas voulu nous suivre. Et maintenant que les juridictions ont fait leur travail et que maintenant ils sont à la période d'exécution, je pense que le même président devrait prendre ses hommes et emprunter soit cette voie judiciaire, d'abord la voie administrative, ensuite, si ça n'aboutit pas, la voie judiciaire. Sinon, vous savez que quelqu'un est régularisé par une juridiction s'il est nommément identifié. Et si l'un ou l'autre dont il se réclame responsable n'est pas enregistré, ni au tribunal du travail, ni à la cour d'appel, ni à la cour suprême, je pense qu'ils ne sont pas concernés par cette deuxième enveloppe. Mais il dit que le tribunal du travail a exigé la régularisation de tous les ayants droit. Non, c'est pas correct puisque le tribunal du travail passe par des jugements. Le jugement qui vient d'être rendu, ces messieurs et dames ne figurent pas dedans. S'ils ne figurent pas dedans, ils ne peuvent pas avoir une part dans cette enveloppe dont nous venons d'acquérir par les tribunaux d'abord et ensuite par le ministère des Finances. Radio Isanganiro, chronique culture. Les instruments musicaux à vent ou à cordes se basent sur les notes musicales pour produire des sons. Il y a une autre catégorie d'instruments qui n'a pas besoin de notes comme les percussions, la batterie, etc. Comme le dit un des jeunes artistes instrumentistes du Burundi, Yves Kami, qui utilise un outil utile dans la cuisine burundaise, Lucio, dans sa musique. Il invite les spécialistes en musique de faire des recherches pour améliorer les sons de cet instrument. Chronique Art et Culture avec Christian Savie. Dans la précédente Chronique Art et Culture de samedi passé, nous avons parlé des instruments à vent et à cordes qui se jouent à partir des notes musicaux. Il y a d'autres instruments à percussion qui n'ont pas besoin de notes, comme la batterie, instrument moderne, ou le tambour du Burundi. Le roussio est un outil utilisé dans la cuisine burundaise qui peut produire un son agréable, d'après Yves Kami, un jeune artiste burundais. Ça c'est un moulin traditionnel qu'on appelle roussio. La plupart des Burundais ont été bercés par le son de cet instrument. Nos grands-mères, nos mères, quand elles faisaient cette activité, elles chantaient. Et là, pourquoi pas ne pas transformer ce son en un son qui puisse épater les gens, qui puisse être utilisé. Cet instrument n'est ni instrument à vent, ni à cordes. Cet instrument, je peux le classer dans des instruments à percussion parce que on peut pas jouer des notes, c'est juste créer une ambiance, donner un rythme. Oui, ça donne un rythme. Le roussio peut être joué avec ou sans graines. Il y a deux façons de jouer. Quand je commence ici, sans graines, ça donne un son plus aigu. Et les fréquences sont un peu élevées. Mais si je mets du sorgho, voilà, le sorgho, ça produit... Vous entendez? Il y a plus de l'or. Donc, ça crée une autre ambiance. Oui. Cet instrument a besoin d'être amélioré. Oui, le seul moyen de l'améliorer, c'est avoir des moyens pour prendre le son et l'amplifier. Donc, utiliser des micros appropriés. Par exemple, ici, on peut utiliser des micros à pastilles ou bien des micros qu'on appelle les SM57. Ça peut prendre bien le son et l'amplifier. Il est nécessaire, d'après cet artiste, que les ingénieurs de son, qu'on appelle des arrangeurs, s'associent aux programmeurs pour arriver à travailler ensemble sur ce son traditionnel burundais, comme le font déjà les pays de l'Afrique de l'Ouest. Merci Christian Xavier. Revenons sur l'élément en rapport avec les manifestations. Certains habitants de la mairie de Bujumbura sont pour la décision du gouvernement burundais portant sur les mandats d'arrêt internationaux contre ceux qui ont participé dans l'assassinat du héros de la démocratie, le président Melchior Ndadaye. Lors des manifestations de ce samedi, ces habitants rejettent en bloc les propos de Moussa Faki Mahamat, président de la Commission de l'Union africaine, et demande au gouvernement de ne pas relâcher ça avant d'atteindre son objectif. Les détails avec Festine Vautouille. Les manifestations protestant contre les propos du président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, commencent. Nous sommes au rond-point des Nations Unies, près du bureau national du parti CNDD-FDD, dans la zone Ngagara. Devant se trouve le drapeau national. Ensuite, une banderole sur laquelle s'écrivent les mots suivants. Nous, Burundais, nous encourageons le gouvernement sur les décisions déjà prises, portant ouverture des dossiers dans la justice pour ceux qui ont participé dans l'assassinat du héros de la démocratie et certains membres de son gouvernement, et rejetons en bloc tous les propos communiqués par Moussa Faki sans en avoir droit. Après une courte prière, on entonne l'hymne national et celui de la communauté de l'Est africaine. Dans leur discours, ils reviennent sur les propos de Moussa Faki et demandent aux organisations internationales d'envoyer ceux qui ont participé dans l'assassinat du héros de la démocratie afin que la justice se soit rendue. Dans son allocution, le représentant du gouvernement, l'assistant du ministre de l'Intérieur, revient lui aussi sur le communiqué de Moussa Faki. Certains députés de la communauté Est africaine étaient présents dans cette manifestation. Merci Vestine Vautouille, et c'est sur cet élément que nous mettons en point final à cette édition. Je dis merci à vous tous qui l'avez suivi. Merci également à Albert Ndouaille pour la mise en onde. Deli Nibel Nibigra, j'étais à la présentation. Je vous souhaite de passer un excellent après-midi. Au revoir. Revue de la presse. Bonjour ou bonsoir selon l'endroit où vous vous situez. Le dossier Ndadaye semble divisé. L'hebdomadaire Iwachu écrit en effet qu'après l'arrestation de certains anciens officiers et le lancement d'un mandat d'arrêt contre d'autres anciens hauts dignitaires du pays, des réactions opposées dominent les discussions. Ceux qui sont contre la mesure parlent de spéculation, manipulation politique, manœuvre de diversion, deux poids, deux mesures, etc. D'autres saluent une décision qui met enfin un terme à l'impunité. Les réactions sont variables selon les différents acteurs politiques, la société civile et même la diaspora burundaise. En éducation, le journal La Voix de l'enseignant parle de cours qui ne sont pas encore enseignés 3 mois après la rentrée scolaire. Les témoignages des conseillers du bureau d'études et des programmes de l'enseignement post-fondamental sont alarmants selon notre confrère à propos des cours d'ETIC et de Kiswahili, d'entrepreneuriat, des mathématiques dans le post-fondamental. Dans pas mal d'écoles visitées, ces cours ne sont pas enseignés par manque d'enseignants carrément ou ceux qui sont qualifiés dans ces domaines. À cette liste s'ajoutent des cours principaux dans les écoles techniques qui attendent encore les enseignants. Les responsables scolaires n'osent pas parler de ces cas de peur d'être décommissionnés. Il y a encore à faire dans la promotion des personnes handicapées, écrit le magazine Burundi Echo. Il revient sur la célébration de la Journée internationale des personnes handicapées le 3 décembre. Cette catégorie de personnes est confrontée à pas mal de défis malgré certaines avancées enregistrées. Adelaide Nyigina, représentante légale de l'UPHB, Union des personnes handicapées du Burundi, citée par Burundi Echo, indique que les personnes handicapées ne sont pas traitées ou considérées comme les autres citoyens. Elles sont encore victimes de discriminations, de multiples atteintes à leur dignité et leurs besoins ne sont pas souvent pris en compte dans les programmes de développement. À cette situation s'ajoute une grande pauvreté ainsi que les violences faites à leur égard. Pour se tirer d'affaires, poursuit Burundi Echo, certaines choisissent d'aller mendier dans la rue. D'autres sont exploitées d'une manière ou d'une autre. Les personnes handicapées ne sont pas représentées dans les organes de prise de décision et sont privées des opportunités et des droits dont bénéficient les autres citoyens. En milieu de travail, l'obligation de présenter une attestation d'aptitude physique, de rédiger une lettre pour les personnes handicapées sensorielles et le dépôt du dossier en ligne attestent la discrimination faite à leur égard, renchérit le magazine. Revue de la presse. Les femmes sont appelées à mener une lutte commune contre les violences faites à leur égard. L'agence burundaise de presse rapporte ici que dans la province de Kayanza, au nord du Burundi, un peu plus de 1000 cas de violences faites aux femmes et filles et 150 cas pour les hommes et garçons ont été recensés depuis janvier de l'année en cours. Les violences basées sur le genre sont de plusieurs formes, selon le gouverneur d'Okayanza, cité par la BP. Ce sont notamment les violences physiques et physiologiques, celles verbales, les violences sexuelles et celles liées aux malversations au niveau des familles. La BP écrit également que les violences basées sur le genre n'épargnent pas les milieux universitaires. C'est le cas des étudiantes qui tombent enceintes de leurs camarades de classe et qui ensuite se retrouvent rejetées par ces derniers et obligées d'élever seules leurs enfants. Dans un autre angle, la communauté de blogueurs Yaga écrit que les femmes se détestent entre elles. C'est un fait. Pas toutes certes, mais la plupart. Et dans la lutte contre les violences faites aux femmes, une remise en question est nécessaire pour mettre sur table certaines causes. La méchanceté de certaines femmes envers leurs semblables, quand elles s'y mettent, est extraordinaire, soutient la blogueuse Dacia. Il y a tellement d'exemples que je ne sais par où commencer. Le billet évoque les relations entre belle-mère et belle-fille. Socialement parlant, on pourrait parler de ces voisines qui se détestent au point des fois de se crêper le chignon en sous-vêtements en pleine rue. Il est connu que les relations entre belle-mère et belle-fille ne sont pas toujours au bon fixe. Les causes de cette mésentente peuvent provenir des deux côtés. Mais le plus souvent, dans notre société, les querelles débutent quand la belle-mère cherche à s'immiscer dans le nouveau foyer et surtout quand elle se met à critiquer les actions de l'épouse de son fils. Cette situation peut déboucher sur des affrontements verbaux et même physiques dans certains cas et surtout à une haine viscérale entre les deux parties. Et la victime, qui n'est pas souvent citée, c'est l'homme. Ce dernier ne sait pas en effet de quel côté se ranger et qui soutenir entre sa mère et sa femme. Ainsi s'achève cette revue de presse qui vous a été présentée par Léonce Bitaliho et Marie-Claire Kazeneza. Nous vous souhaitons de passer un excellent week-end. À la prochaine. Revue de la presse.